Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Le Tout Miséricordieux. Allama al-Qur'an. Il a enseigné le Coran. خلق الإنسان. Il a créé l'homme. علمه البيان. Il lui a appris à s'exprimer clairement. الشمس والقمر بحسبان. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. والنجم والشجر يسجدان. Et l'herbe et les arbres se prosternent. والسماء رفعها ووضع الميزان. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut et il a établi la balance. ألا تطغوا في الميزان. Afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Il s'y trouve des fruits et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes. والحب ذو العصف والريحان. Tout comme les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. وخلق الجان من مارج من نار. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? رب المشرقين ورب المغربين. Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? مرج البحرين يلتقيان. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. De ces deux mers sortent la perle et le corail. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? كل من عليها فان.